Ici, le manuscrit reprend la date du 15 mars 1838, auberge de Russbach. Où suis-je ? J'ai pu me lever 2 minutes et prendre mon cahier et ce crayon, sans qu'on m'entende. Où suis-je ? Est-ce que le comte Orlok est toujours là ? Combien y a-t-il de temps que je suis dans cette chambre ? J'ai regardé mon cou dans la glace, il est cicatrisé. Mais je suis si là. J'ai manqué tomber en mettant les pieds à terre. J'entends des pas au-dessus de moi. Est-ce lui qui marche ? Est-ce Nosferatu qui attend ma mort ? Veut-il au contraire me nourrir, comme il disait, pour que j'aie du sang, encore du sang ? Je ne sais pas. Je ne peux pas aller plus loin. Je me recouche. Advienne que pourra.